jambe yon jou an tombe malade. Kwenye moun an ke kriye se vou. Si jambe yon te kouche l'hôpital, ka fè nan bon fami. On se moun an ve bon mwen se vou. Si jambe yon jou mwen an tombe malade. Se consolation an ve se vou. Imaginez la.